C'est le monté, ou à faire. el monte. Mío, mío. Un alcance. Mío, mío. À la bambouillon, à la bambouillon, c'est les bonnes bambouillons.